voir un jour. C'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Quand sur la rive parfois, au lointain j'aperçois un paquebot qui s'en va, vers lui jetant les bras. Et le cœur battant de moi, à mi-voix, doucement je dis, emporte-moi. Ton pays est Paris. Pars toujours. Ton cœur est ravi. Ta savane est belle. Mais à quoi bon revenir? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris. C'est ton rêve joli.